Castel. Je me méfie de ces régimes. Je me méfie qu'on voit dans elle. Je me méfie des magazines. Je me méfie de ces Renault. Je me méfie de ces Citroën. J'aime les filles de l'autre. J'aime les filles sans papa. J'aime les filles de me gêne. J'aime les filles de se tromper. J'aime les filles qui font la grève. J'aime les filles qui vont camper. Téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça.